Chapitre 7e. Le petit salon où Dournov avait entraîné sa fiancée était une pièce maussade, comme tous les garnis. Quelques plantes à feuillage vivace sur l'appui intérieur des fenêtres essayaient, mais en vain, de lui donner une apparence joyeuse. Un petit bureau, surchargé de papier, un gros tas de livres et de dossiers sur le parquet, un verre de thé à moitié vide sur un coin de table, tel était l'appartement du jeune homme. Mais en ce moment, Dournov planait au-dessus des misères terrestres. Antonine, serrée contre son cœur, il ne sentait plus ni l'injure ni la colère. Il avait une foi absolue en celle qui venait si naïvement à lui comme à son consolateur. Ils restèrent ainsi pendant une minute, sans songer à échanger une caresse. La Niania, restée debout près de la porte, les regardait et pleurait silencieusement. L'énergie avec laquelle cette rencontre avait été cherchée, le transport qui l'accueillait, lui prouvait combien l'amour qui unissait les jeunes gens était sérieux et profond. Enfin, Dournov relâcha son étreinte et présenta une chaise à Antonine. Le divan était encombré de papiers comme tout le reste. Il en repoussa quelques-uns, se fit une petite place et s'assit en face de la jeune fille. La Niania resta debout. Depuis qu'elle savait se tenir sur ses jambes, elle ne s'était jamais assise en présence des maîtres. « Je suis venue, dit Antonine, d'une voix tremblante, « parce que je voulais absolument vous parler. Ma mère vous a offensé et je viens vous en demander pardon. » Dournov fit un geste d'indifférence. Il se souciait bien peu des offenses des autres, aussi longtemps qu'il serait aimé d'Antonine. « Nous ne pourrons plus nous voir, » continua la jeune fille. « Ma mère a déclaré que je ne sortirais plus sans elle. J'ai dit ce soir que j'allais à Bèpre. C'est bon pour une fois. » Elle se tut. L'idée de ne plus voir Dournov était si douloureuse qu'elle lui faisait oublier l'autre danger, le mariage qu'on voulait lui infliger. « Mais d'où vient tout cela ?» demanda le jeune homme. « Titolov m'a demandé en mariage, » dit-elle en levant les yeux sur lui. « Eh bien, ils m'ont accordé. »« C'est impossible !» s'écria Dournov en bondissant sur ses pieds. « Ils n'ont pas fait cela. Ils l'ont fait. Et tu n'as pas résisté. J'ai dit à ma mère que je mourrais plutôt que de l'épouser. Qu'a-t-elle dit ? Que toutes les jeunes filles parlent d'eux-mêmes et elle a passé outre. » Dournov se mit à marcher de long en large dans la pièce étroite, éclairée par une seule bougie vacillante. Il avait croisé les bras et incliné sa tête sur sa poitrine pour comprimer toutes les paroles amères qui bouillonnaient en lui et qu'Antonine ne devait pas entendre. Il fit 5 ou 6 fois le tour du salon puis s'arrêta devant la jeune fille. « Antonine, dit-il, j'ai encore de l'argent. Partons tout de suite. Ma mère te recevra bien. Nous nous marierons là-bas. Veux-tu ? » Il attendit, debout devant elle, les bras toujours croisés. « Non, dit Antonine en le regardant avec une expression déchirante. Elle a dit qu'elle me maudirait. Te maudire ? De quel droit ? De quel droit cette mère impie, qui prétend sacrifier son enfant à son orgueil, à son intérêt, maudirait-elle l'âme loyale qui ne veut pas se vendre ? Te maudire ? Mais Dieu ne l'écouterait pas. » Antonine se tordit les mains et ne répondit pas. « Alors, continua Dournov, tu vas épouser cet homme ridicule ? Non, dit la jeune fille. Il se remit à marcher en parlant cette fois. « Vois-tu, dit-il, je quitte dès aujourd'hui mes travaux et je cherche une place dans un ministère. » Antonine se leva. « Je ne le veux pas, » dit-elle avec autorité. « Pourquoi ? Ta carrière est ailleurs. Je ne t'épouserai pas si je te voyais faiblir. Quand on a une idée vraiment grande, on ne la quitte ni pour une fortune ni pour une femme. On souffre et l'on meurt. « Antonine !» cria Dournov en se prosternant à ses pieds. « Tu es plus qu'une sainte, tu es une martyre. » La jeune fille secoua tristement la tête et passa la main dans les boucles épaisses de la chevelure de son amie, agenouillée devant elle. « Je t'aime, » dit-elle, « et je veux que tu sois grand. Alors suis-moi, » reprit le jeune homme avec impétuosité. « Je ne serai grand, si je dois jamais l'être, que par toi et pour toi. Sans toi, ma vie n'existe pas. Vous avez travaillé avant de me connaître et avant de m'aimer, » dit-elle avec douceur. « Le but que vous vouliez atteindre existe toujours. » Dournov se leva et se tint devant elle humblement. « Tu vaux 1000 fois mieux que moi, » dit-il sur le ton de la prière. « Mais vois-tu, Antonine, avant de te connaître, je n'étais qu'un enfant. Je suis un homme à présent. Sais-tu ce qui m'a fait heureux ? C'est la pensée sérieuse que tu as mise dans ma vie. Du jour où tu as promis de m'épouser, je me suis senti charge d'âme. J'ai pensé au foyer que je devais préparer pour te recevoir, aux difficultés de l'existence, ou peut-être tu me demandais conseil. J'ai repoussé alors comme indigne bien des pensées que peut-être sans toi, j'eusse accueilli avec complaisance. Quand on est jeune, vois-tu, on se laisse tenter facilement. Je ne te l'ai pas dit, parce que rien ne devait troubler ton repos, et d'ailleurs, j'étais sûr de ta réponse. Mais plusieurs fois, on m'a proposé de l'argent, pour arranger des affaires que tu ne peux pas soupçonner. J'étais très pauvre dans ce moment-là. Une fois même, Antonine, c'était au moment de ta fête. Je me creusais la tête pour trouver le moyen de t'offrir quelques bagatelles. J'ai failli succomber. L'affaire était honorable en apparence, mais la somme qu'on m'offrait était trop forte pour payer le simple accomplissement de mon devoir. J'ai eu méfiance et j'ai refusé. Tu ne sauras jamais combien j'étais pauvre à ce moment-là et combien j'étais violemment tenté. Eh bien, si j'ai eu le courage de refuser, ce n'est pas parce que mes principes, mon éducation et tout cela m'ont retenu, c'est parce que je t'aimais. Et que si tu m'avais demandé où j'avais pris cet argent, je n'aurais pas osé te répondre toute la vérité. Tu es ma conscience, Antonine, mon honneur même. Dis, puis-je vivre sans toi ? Elle leva sur lui ses yeux noyés de larmes, mais de larmes d'orgueil et de joie. Ah, dit-elle, tu me consoles de toutes mes peines. Ils se regardèrent un moment, ravis, oubliant toute souffrance. Tu es un homme de bien, dit la voix tremblante d'émotion de la Niania, toujours debout près de la porte. Ils tressaillirent, ils se croyaient seuls. Cette voix les ramena sur la terre. Ah, soupira Antonine, les hommes comme toi sont rares. Ce sera ma joie éternelle d'avoir été aimé par toi. Mais écoute, Féodore, il y a autre chose, te dis-je, que l'amour d'une femme. N'as-tu pas parlé de la patrie? N'as-tu pas dit qu'elle a besoin de cœurs dévoués, de serviteurs désintéressés? N'est-il pas temps que la lèpre de fonctionnaire qui la ronge soit guérie par les âmes courageuses qui travaillent pour rien ou pour peu, pour l'honneur d'être utile? Ne veux-tu pas être de ceux-là? Dournov serra fortement les deux mains qu'elle tendait vers lui. Eh bien, renonce à moi, aime la Russie, elle te le rendra. Je ne renoncerai jamais à toi, dit Dournov d'une voix calme, où l'on sentait une force immense. Mais si mes parents ne veulent pas, je t'enlèverai, malgré toi, et je t'épouserai de force. Féodore, dit-elle, ne le fais pas. Ma mère me maudirait. Qu'importe, dit-il avec colère, j'en mourrai. Je ne puis même supporter la pensée de la honte. Elle se tut et inclina sa tête sur ses mains pressées. La voix de la Niania retentit dans la chambre mal éclairée. Cette voix, sortant d'un corps qu'on ne voyait presque pas, prenait un accent presque prophétique. « N'as-tu pas honte, Féodore Ivanitch, disait-elle, de vouloir entraîner au mal notre chaste colombe? Tu sais bien qu'il n'y a pas de mariage valable devant Dieu si les parents refusent le consentement, même quand un prêtre la bénit. Pourquoi cherches-tu à séduire l'âme blanche de notre enfant? C'est elle qui parle bien et toi qui penses mal. Tu parlais bien tout à l'heure, mais l'esprit du mal vient de passer sur tes lèvres. » La Niania se tut. Les jeunes gens avaient désuni leurs mains pendant qu'elle parlait et se tenaient maintenant tous les deux, le front baissé comme des coupables. « Adieu, » dit Antonine à son ami, sans oser lever les yeux sur lui. « Non pas adieu, » répondit-il. « Tu seras à moi, entends-tu? Et si tes parents te forcent à épouser ce Titolov, et si tu es sans force pour le résister, quand tu sais si bien me résister à moi. Maria Titolov, tu n'en seras pas moins à moi. J'enlèverai, Madame Titolov, puisqu'Antonine Karzov ne veut pas être ma femme. » Antonine poussa un cri et recula en se couvrant le visage de ses deux mains. « Honte, honte à toi !» fit dans l'ombre la voix de la Niania. « Tu parles comme un sacrilège. »« Tant pis !» s'écria Dournov hors de lui. « D'autres vivent et prospèrent qui font le mal sans excuse. Nous vivrons et nous prospérons comme eux. » Nous qui n'avons voulu que le bien et qu'on force à mal faire. Tu parles comme un insensé, dit la Niania toujours immobile. Si la mère qui t'a porté t'entendait parler, elle renierait le fils de ses entrailles, qui offense Dieu et sa bien-aimée. Pardon, pardon, s'écria Dournov, je suis un malheureux, si malheureux que je voudrais être mort. Pardonne-moi, Antonine. Antonine étendit la main vers lui et traça un signe de croix dans l'air, sur la poitrine du jeune homme. Que Dieu te donne la paix, dit-elle, moi, je tâcherai de bien faire, si seulement j'étais sûr que tu ne seras pas malheureux. Alors, tu ne veux pas, fit Dournov, en la serrant contre son cœur, jamais sans le consentement de nos parents. Je le leur demanderai encore une fois, s'écria-t-il, malgré leur grossièreté et leur injustice. Ils ne te l'accorderont pas, dit Antonine. C'est un général qu'il leur faut pour gendre. Que feras-tu? Elle sourit étrangement. Ne crains rien, dit-elle. « On ne me mariera pas malgré moi. Je te jure que je ne serai pas la femme de Titolov. »« Ne jure pas, » fit la Niania. « Nul ne peut répondre de soi-même. »« Je jure, » s'écria Antonine, en se prosternant devant l'image qui occupait un recoin de la chambre. « Je jure ici pour la seconde fois de n'appartenir qu'à Dournov. »« Et moi, » fit le jeune homme en lui pressant la main, « je jure d'appartenir à Antonine jusqu'à la mort. » Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien !» fit la Niania, émergeant de l'ombre et secouant sa tête soucieuse. « Il ne faut pas faire de serment. Viens, ma colombe, viens à l'église demander à Dieu pardon de ce péché. Et toi, jeune homme, tu parles tantôt bien et tantôt mal. Ton âme n'est pas encore délivrée des pièges du démon. Nous prierons le Seigneur pour qu'il t'éclaire. » « Adieu, » dit Antonine en se relevant docilement. « Adieu, mon fiancé, jusqu'à ce que la volonté de Dieu nous réunisse. »« Ce ne sera pas long, » répliqua Dournov, « d'une façon ou de l'autre. »« Jamais, » répéta Antonine, « jamais, sans la permission de ma mère. » Elle m'a dit qu'elle maudirait mes enfants. « Jamais. » Il la reprit dans une étreinte suprême, mais sans chercher un baiser. Ces êtres purs et fiers craignaient de mollir. Ils se séparèrent. Antonine passa devant, et la Niania la suivit, après avoir fait le signe de la croix comme en quittant le lieu consacré. Dournov, resté seul, regarda un instant la porte qu'il ne songeait pas à fermer. Il lui semblait que tout son bonheur et tout le sang de ses veines étaient partis par là. Un frisson passa sur son corps et il se décida à fermer cette porte. Mais alors, il se sentit plus seul que jamais. Il tomba sur le sol à l'endroit qu'avaient foulé les pieds d'Antonine et pleura amèrement, lui qui n'avait encore jamais versé de larmes, même dans ses plus grandes douleurs.